Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 144. Des parties intégrantes de la tempérance, et d'abord de la honte. Nature de la honte. Son objet. De quoi l'on doit rougir? Qui doit rougir? 1. La honte est-elle une vertu? La honte, ou la crainte d'une chose honteuse, est un sentiment bon en soi, mais, parce qu'elle répugne à la perfection, elle n'est pas une vertu. L'homme parfaitement vertueux ne craint pas ce qui est blâmable et honteux, car il ne fait rien qui puisse lui donner l'occasion de rougir. C'est ce qui nous fait dire que, à parler rigoureusement, la honte, qui n'existe que par l'absence de la perfection, n'est point une vertu. Si parfois on lui confère cette qualification, c'est uniquement en ce sens qu'elle est un sentiment bon et louable en elle-même. Note. La honte n'agit pas avec délibération, elle entre dans les passions plutôt que dans les vertus, bien qu'elle soit très utile pour protéger l'honnêteté. Fin de la note. 2. La honte concerne-t-elle la turpitude des actions? Il y a deux sortes de turpitude, l'une vicieuse, qui est la laideur même des actes volontaires, or ce qui provient uniquement de la volonté n'ayant rien de redoutable, celle-là n'inspire pas de crainte. La seconde, que l'on peut appeler pénale, et qui consiste dans le blâme et l'opprobre que l'on s'attire, est le premier et le principal objet de la honte. Toutefois, comme le blâme s'attache surtout au vice, la honte a aussi pour objet la turpitude du vice. Elle agit sur l'homme de deux manières, elle le porte tantôt à éviter ou à cesser ses péchés, dans la crainte du blâme, tantôt à cacher ses actions, de peur d'encourir le déshonneur. Note. La honte a pour objet propre le déshonneur qui suit une faute volontaire. Quant aux opprobres dont on couvre la vertu, l'homme vertueux les méprise, à l'exemple des apôtres qui, jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus-Christ, sortirent de l'assemblée pleins de joie. Actes des apôtres 5, 41. Celui qui n'a qu'une vertu imparfaite ne laisse pas de rougir en cette occasion, et voilà pourquoi il est dit, « Ne craignez point l'opprobre des hommes. » Isaïe 51, 7. On rougit de la pauvreté, de la bassesse de sa naissance, de la servitude, etc., parce que le blâme, qui ne devrait punir que les actes coupables, s'attache, dans l'opinion des hommes, à tout ce qui est défectueux. On rougit parfois des œuvres de vertu, soit que les hommes les regardent comme mauvaises, soit que l'on craigne l'accusation de présomption, ou même d'hypocrisie. La honte, on le voit, ne suit pas toujours la gravité des fautes, les péchés de l'esprit, plus graves que ceux de la chair, sont cependant moins honteux, à raison de la supériorité même qu'ils annoncent à l'égard des choses extérieures. Fin de la note. 3. L'homme éprouve-t-il plus de honte devant ses proches que devant les étrangers? Plus le témoignage d'une personne est d'un grand poids, plus on en éprouve de honte, or l'importance d'un témoignage se juge par sa certitude ou par ses effets. La certitude d'une assertion peut provenir, en premier lieu, de la rectitude du jugement chez la personne qui est témoin d'une action, et de la connaissance particulière que cette personne a de nous. De là nous redoutons spécialement les jugements des hommes sages et vertueux, de là aussi nous éprouvons plus de honte devant nos proches, qui, nous connaissant mieux, nous observe avec plus d'intérêt que les étrangers. La gravité d'un témoignage se prend, en second lieu, de l'utilité ou du dommage qui peut nous en revenir. Sous ce rapport, Nous ressentons pareillement plus de honte vis-à-vis des personnes qui vivent habituellement avec nous et qui peuvent nous causer un dommage de longue durée, ce que nous n'avons pas à redouter des étrangers. Note. Si l'on ne rougit pas d'une faute devant ceux qui la commettent habituellement, c'est qu'on sait qu'ils ne la regardent pas comme honteuse. On rougit devant les personnes indiscrètes, à cause du tort qu'elles peuvent causer par leur diffamation. Nous éprouvons plus de honte devant les personnes qui nous ont toujours vus irréprochables, redoutant de détruire la bonne opinion qu'elles avaient de nous. Le contraste paraît d'ailleurs augmenter la faute. Fin de la note. 4. La honte existe-t-elle chez les hommes vertueux? La honte, selon l'observation du philosophe, ne se rencontre pas dans les hommes de bien. Elle ne se trouve pas non plus dans les grands scélérats, qui se vantent de leurs crimes. Ceux-là ne regardent pas le déshonneur comme possible, ceux-ci ne trouvent pas le vice honteux. Note. Les grands coupables ne rougissent plus, ainsi que le marque cette parole de Jérémie 3:13. Tu t'es fait un front d'airain comme celui d'une femme de mauvaise vie, tu n'as pas voulu rougir. La honte existe principalement chez les personnes d'une vertu médiocre, qui, sans être totalement affranchies de l'empire du mal, ont quelque amour pour le bien. L'homme véritablement vertueux évite non seulement ce qui est mal en soi, mais encore ce qui passe pour mal dans l'opinion des hommes. Suivant cette parole de saint Paul, abstenez-vous de toute apparence du mal. 1 Thessaloniciens 5, 22. Voilà pourquoi il rougit peu des calomnies et des opprobres, sachant qu'il ne les mérite pas. markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.